On s'écoute Chloé Thaume dans ce micro ouvert qui parle des métiers confinés. J'en dis pas plus, hein, on va rencontrer Chloé. Mais avant, j'aimerais vous faire entendre une trouvaille quoi, sur Internet qui s'appelle 5 business à lancer pendant le confinement depuis son lit. Il y a de cela quelques jours, j'ai eu une conversation dans un groupe WhatsApp avec pas mal de personnes. Et il en ressortait beaucoup d'inquiétudes qui m'ont conduit à faire cette vidéo ainsi que la mini-série de vidéos qui va suivre. Les gens étaient principalement inquiétés par la crise du coronavirus et ses conséquences dans leur vie quotidienne. Nous étions tous confinés parce que la grande majorité des personnes dans ce groupe vivaient en Occident. Et en plus, il y a maintenant sur plusieurs personnes des menaces qui pèsent, soit de chômage partiel, soit de chômage tout court, soit de fermeture d'entreprise. Et donc, dans ce contexte-là, beaucoup de personnes étaient inquiètes parce qu'ils se disaient, que va-t-il m'arriver demain? Je me suis dit, c'est peut-être le bon moment pour faire une mini-série de vidéos dans lesquelles je peux expliquer aux gens quel type de business on peut lancer pendant ce confinement. L'idée, c'est clairement de te sensibiliser au fait qu'à la fin de ce confinement, le monde va changer. Une crise d'une ampleur aussi majeure que celle que nous sommes en train de vivre maintenant va complètement bouleverser l'écosystème économique dans lequel nous vivons. Déjà que cela a commencé à se faire avec des millions de personnes dans le monde entier qui se retrouvent au chômage dans des pays dans lesquels il n'y a pas forcément les mêmes assurances que l'on peut avoir dans certains pays en Occident. Cette crise du coronavirus frappe et fragilise vraiment le monde entier. Et je me dis que c'est peut-être le moment plus que jamais pour chacun d'entre nous de prendre une décision radicale par rapport à sa vie. Il y a deux types d'événements en réalité auxquels nous sommes tous confrontés. Des événements comme le coronavirus sur lesquels nous n'avons aucun impact possible. Et puis des événements sur lesquels toi et moi avons la possibilité de décider ce qui va se passer, comme le type de boulot que nous faisons. Tu as choisi d'être dans la boîte dans laquelle tu es, tu as choisi de faire les études que tu fais aujourd'hui, et tu as donc la latitude de pouvoir changer cela. Et ce que moi je te propose justement, c'est de regarder le monde sous une perspective différente. Comment vivrais-tu si aujourd'hui tu avais la latitude de pouvoir te lever quand tu veux, de travailler aux heures qui te conviennent et de gagner beaucoup plus que ce que tu ne gagnes aujourd'hui? Je pense que c'est un contrat que tu signerais certainement. Et il se trouve que c'est quelque chose qui est possible, qui est accessible grâce à Internet. Et ce que je vais voir donc avec toi maintenant, ce sont les business que tu peux lancer depuis ton canapé, depuis ta chambre, depuis ta cuisine et qui peuvent clairement changer ton destin. Attention, je ne suis pas en train de parler ici de business que tu vas pouvoir lancer en 30 secondes et qui vont te rapporter de l'argent dans 2 jours. Si c'est ce que tu cherches, ce n'est pas la vidéo pour toi. Ici, je parle aux gens qui pensent sérieusement long terme. Je pense aux gens qui réalisent que s'ils s'investissent dans ce dont on va parler dans cette vidéo, ce n'est pas dans 3 mois, mais dans 3, 5, 10 ans qu'ils vont pouvoir gagner 5 fois, 10 fois plus que ce qu'ils ne gagnent aujourd'hui. Micro Comment ouvert. tu te présentes, Chloé? Alors, ce qui est marrant, c'est que métro en car. On marche un peu et puis on se trouve au croisement de la chaussée de Wavre et de la rue Lebon. Oui, c'est ça, l'avenue Lebon. L'avenue Lebon. Il paraît que ça s'appelle le Square Saint-Julien, je savais même pas moi. Quoi, t'habites ici dans les environs? Ah ouais, à 2 rues d'ici. Et t'as appris récemment que ça s'appelait le Square Saint-Julien. Saint-Julien, en fait, il y a l'avenue de l'église Saint-Julien et l'église Saint-Julien juste derrière nous. Et apparemment, ça s'appelle le Square Saint-Julien, ce choix assez joli. C'est dommage qu'on n'en parle pas plus. Quoi, t'habites ici depuis longtemps du coup? Alors oui, j'ai fait une petite pause à Ixelles entre deux, mais sinon j'ai toujours vécu à Auderghem. J'ai grandi ici, ouais. Voilà, c'est Auderghem de nouveau, nous revoilà à Auderghem quoi. Je dis ça parce qu'on a fait un micro ouvert il n'y a pas longtemps à Auderghem, dans un resto qui vendait des hamburgers. Saint-Paul? Tu dis? Le Saint-Paul? Exact. Bien vu, tu connais. Eh ben voilà, non mais ça, pas mal. Combien de temps que tu habites à Auderghem? Ah bah 36 ans du coup. Mais non! Je dis avec une petite pause à Ixelles de quelques années, mais ouais. Je suis même pas, comme j'ai un mauvais retour dans mon casque, j'entends encore moins bien. 36 ans Auderghem! Bah ouais, c'est toute ma vie quoi. Ah ouais, là je suis impressionnée Ouais, je suis impressionnée. Et quoi, qu'est-ce que tu auras envie de dire comme ça pour décrire un peu Auderghem? Je me rendais pas compte de ça évidemment plus petite, mais quand maintenant je repars dans le centre, je me rends compte que c'est quand même un petit village, qu'on est juste à la frontière avec la forêt de Soignes et que c'est vrai que c'est assez paisible par rapport à la ville. C'est la ville, on est juste à côté des transports, mais c'est assez agréable, surtout avec une vie de famille. Ah, voilà. Maman, c'est vrai que c'est assez chouette. On fait tout à vélo. L'école est tout près. Il y a des plein de plaines de jeux. Il y a plein d'espaces verts. C'est assez sympa, ouais. Et les gens sont chouettes ? Ouais, les gens sont chouettes. C'est vraiment aussi un village. Et plus on rencontre des gens, plus on se rend compte que tout le monde se connaît. Donc, c'est assez amusant. Eh ben, écoute, du coup, ici, à ce croisement de la chaussée de Wavre et la chaussée... C'est ça ? Le Bon ? Le Bon. Oh là là, ouais, l'avenue Le Bon. Il y a une exposition. Exactement. En fait, pour être plus précise, il y a une exposition qui se passe sur deux sites. Une ici, Square Saint-Julien, et une sur la place Pinois, qui est une petite place aussi pas loin de Herman de Brou. Là, il y a 4 portraits. Ici, il y en a 6. Donc au total, 10 portraits, qui sont des portraits photos, mais aussi sonores. Donc en fait, en mai 2020, juste à la sortie du premier confinement, la commune de Dorgam a lancé un appel à témoignages parce qu'ils disaient que les gens avaient peut-être envie de témoigner, de parler de leur expérience du confinement. Et moi, j'avais déjà fait une série de portraits en fait, de Dorgam, mais les habitants. J'avais fait aussi des grands formats sur bâche comme ça, mais de plein pied. Je m'étais inspirée du travail d'Auguste Sander, qui est un photographe allemand début du siècle passé, qui avait fait une série comme ça qui s'appelait Les Hommes du 20e siècle, il me semble, ça s'appelait comme ça. Et les êtres humains, quoi. Ouais, mais c'était très... C'est pas les hommes, parce que tu vois, aujourd'hui, on comprend... Ah oui, les hommes et les femmes, oui, oui, c'est vrai. Non, oui. Mais c'est vrai, parce que dans la... À l'époque, on ne faisait pas gaffe. Mais ça s'appelle comme ça, en même temps, c'est le titre de l'œuvre. Je ne peux pas modifier un titre d'une œuvre, même si ce n'était peut-être pas très... Mais pour qu'on la comprenne un peu. L'inclusion, oui, c'est ça. C'était en fait vraiment un travail presque démographique d'avoir une idée de à quoi ressemblaient les gens à l'époque. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que moi, je l'ai perçu. Et ça m'a toujours vraiment beaucoup interpellée de regarder à quoi ressemblait le boulanger de l'époque, comment il se tenait, comment il était habillé. Et du coup, j'ai eu envie de faire ça ici, à Dorgam. Et j'ai fait comme ça 30 portraits sur 2 années de gens, mais de tout âge, de toute origine, hommes, femmes, enfants. Et ça, c'est très amusant parce que j'ai essayé de recréer, en fait, les vraies statistiques de Dorgam. J'avais été chercher à la commune les infos. Et donc d'avoir aussi les communautés les plus représentées, etc. Et bref, quand il y a eu cet appel à témoignage, j'ai eu vraiment tout de suite envie de refaire ça en mode post-confinement et de nouveau, en fait, avoir cette excuse pour rencontrer les gens. Parce que moi, c'est ce que je trouve dans le métier de photographe, c'est comme journaliste, hein, c'est d'avoir une bonne excuse, un bon prétexte pour aller se balader partout, poser plein de questions. Dès qu'on dit « oui, bonjour, je suis en train de faire une série photo », alors là, tout d'un coup, toutes les portes s'ouvrent, enfin plus facilement en tout cas. Et donc, ce que j'avais envie de faire aussi depuis longtemps, c'était de travailler avec l'audio. J'ai toujours adoré ça, j'écoute beaucoup de podcasts, mais je n'avais jamais fait ça moi-même. Et je n'avais pas encore trouvé la façon de lier les deux. Et en fait, quand j'ai commencé à rencontrer les gens, c'est vrai que je me suis rendu compte que, entre guillemets, une photo... comme j'avais fait la dernière fois, ça n'allait pas suffire pour cerner la personnalité et surtout ce qu'il avait à expliquer et à partager par rapport à cette expérience. Comme tu avais fait la fois plus tôt, c'est-à-dire ? C'est-à-dire la série de portraits de plein pied. Donc la série, les 30 portraits que j'avais fait avant, c'était vraiment la personne de face, debout, à l'endroit qu'il choisissait dans Dorgam, habillée comme il voulait, mais il n'y avait rien de plus. C'était juste un prénom, un âge et une profession ou une activité. Et donc là, c'était l'idée de dire, ben voilà, à quoi ressemble un ingénieur informatique qui, pour le coup, posait devant l'académie avec sa contrebasse. Ça n'avait rien à voir. Enfin, j'aimais bien le contraste. Et qu'en fait, comme on dit, l'habit ne fait pas le moine. Hein. Et donc voilà, les gens ont des activités ou ils ont des âges. Et on ne s'attend peut-être pas à ça quand on voit le titre, son prénom, son âge. Enfin bref. Et là, faire ça, c'était trop réducteur, en fait, par rapport au témoignage que j'avais à faire sur le confinement. Et donc, je me suis dit, ben, en fait, c'est parfait, je vais interviewer les gens. Je vais faire aussi des portraits sonores. Et je vais essayer de trouver un moyen de combiner tout ça. Et donc, ça donne ces 10 portraits, qui sont donc des portraits d'hommes, de femmes, d'Odorgam, qui travaillent à Odorgam, et qui témoignent de leur expérience de confinement à travers la pratique de leur métier. On va voir. Ouais. Comme ça, on est dans le concret. Moi, je te suis. Hein. Ici, on a Dolores. Dolores, c'est une toiletteuse pour chiens. De nouveau, un métier que je ne connaissais pas du tout. Ça m'a beaucoup amusé de rentrer, de pousser la porte en disant « Bonjour, je viens faire un reportage. » Mais donc, tout ça après le confinement, alors. Parce que après le premier confinement. Donc, tout le monde se retrouve après ce premier confinement Voilà, c'est ça aussi. C'est ça, c'était vraiment ça. C'est hyper important de le recontextualiser parce qu'aujourd'hui, on est un peu lassé, on ne sait pas est-ce qu'on est en confinement ou pas. Là, on avait vraiment une rupture, des fermetures nettes des commerces, des activités comme ça. Et puis, quand ça a repris, il y avait vraiment, c'était comme un printemps décalé. Et au moins, c'était au mois de mai. Et en fait, j'ai fait des portraits jusqu'au mois de novembre. Donc, on voit aussi l'évolution dans les discours des gens, parce que petit à petit, elle était qui est passée. Puis après, cette espèce de deuxième vague qui n'était pas une deuxième vague, qui était quand même une deuxième vague. Et donc, elle, c'était vraiment... Elle venait de réouvrir son salon de toilettage. Et elle explique déjà qu'il y avait tout ce côté un peu pas super juste, que les coiffeurs ont pu rester ouverts plus longtemps, alors qu'eux ne sont pas en contact avec des humains, mais juste avec les animaux, enfin bref. Mais alors, elle rentre dans l'aspect très technique aussi du métier. Ce qui était super intéressant, quoi. De savoir que c'est un métier qui n'est pas protégé, que quand on ne toilette pas les chiens pendant X mois, ben en fait, ils ont plein de soucis. Et donc, ils ont dû envoyer les animaux chez le vétérinaire. Et donc, il y avait plein de choses que moi, je ne connaissais absolument pas. Attends, parce que là, tu donnes plein d'informations. Tu veux dire que quand on n'amène pas son chien chez le toiletteur, ouais, c'est ça. Bah, évidemment qu'il va te faire croire que ça pose plein de soucis. Quel genre de soucis Si, apparemment, des ongles incarnés, il y avait pas mal de soucis. Alors, elle le dit mieux que moi, je crois, les oreilles bouchées, enfin, plein de soucis comme ça. Ou alors des puces et je ne sais quoi dans les poils, en fait. Hein. Et alors, les gens essayaient de le faire eux-mêmes, apparemment, mais c'est quand même hyper compliqué à faire soi-même. J'imagine que quand tu as un toutou qui est bien, comment dire, coiffé, peigné, tu vois, du coup, il faut continuer à bien le coiffer, le peigner, ou sinon, il ne fait plus ses anticorps ou des choses comme... Enfin, tu vois, j'exagère en disant ça, mais les animaux, c'est des animaux en même temps, mais je comprends... On parle de petits chiens qui sont parfois avec des personnes âgées et qui n'ont peut-être pas l'habitude de vivre comme des chiens de gouttière, si ça existe, je ne sais pas si ça existe, et qui du coup les maîtres sont peut-être pas toujours aussi capables de les brosser, de les laver correctement. Donc, bref. Mais de nouveau, ça c'était un prétexte. Je veux dire, je suis pas passionnée par la cause animale particulièrement, mais je trouve ça très amusant de découvrir un métier et de sentir sa passion. En fait, c'est ce que aussi très commun. Enfin, commun à tous les portraits, c'est qu'en fait, ces gens sont passionnés par leur métier. Elle adore son métier. Le boulanger, il va partager cette passion. Le responsable du cimetière aussi, il explique qu'en fait, ça paraît absurde comme... Parce qu'on va aller... Oui, tu vas trop vite. Donc là, c'est Dolores, la toiletteuse, quoi. Et donc, du coup, on voit... c'est Dolores, là, qu'on voit ? C'est Dolores, ouais, tout à fait. Qui est avec son établi, en train de soigner plusieurs chiens. Elle a une collègue aussi, mais c'est elle qui a répondu à mes questions. Et donc, l'idée, c'est qu'il y a des photos. Et sur la bâche, avec la composition, donc il y a une photo, un grand format et une composition. Et là, en fait, il y a un QR code qu'on peut survoler avec son l'appareil photo de son téléphone, tout simplement. Et ça renvoie à l'audio qui est en ligne et qu'on peut écouter en regardant la photo, en regardant les photos en pleine rue. OK, donc voilà. On comprend mieux, du coup. Parce que ce qui est chouette aussi, Chloé, ouais. Parce que c'est une émission sociale, donc c'est chouette de parler aussi de l'aspect... il y a l'aspect technique des choses, évidemment, mais c'est, tu vois, il faut que j'arrive à me concentrer, parce que c'est moi qui dois un peu mener la danse aussi. Hein, c'est-à-dire que oui, t'es photographe. Ouais, c'est ça. Et t'as eu envie d'aller, après le confinement, c'est ça, spontanément, t'as envie d'aller vers les gens. Oui, mais en fait... Mais suite à un appel à projet aussi, ça j'oublie. Un appel à témoignage, mais c'est vrai que tous les projets photos que je fais ont toujours un lien avec déjà l'homme, les hommes, les femmes, les enfants, les gens, quoi. En fait, je suis passionnée par les gens. Mais pourquoi ça ? Je sais pas. Ils sont si lourds, hein, des fois, les gens, quoi. Non, mais je sais pas. Ils sont terribles en même temps, c'est à la fois. Hein. Oui, c'est évidemment, mais bon, alors moi, je fais pas vraiment de tri, hein. Je ne prends pas que les gens qui font des trucs formidables, mais peut-être que je suis quand même attirée par les personnes qui mènent des projets, qui amènent un changement, ou qui sont passionnées, qui revalorisent, qui recréent du lien entre les gens, et que ce soit dans le secteur plutôt social dans lequel je suis aussi active. En fait, je me rends compte que la photo, elle peut aussi être un outil de plaidoyer très fort. C'est-à-dire ? C'est-à-dire, c'est un outil qui permet de sensibiliser une partie des gens qui sont peut-être moins sensibles au discours, aux cartes blanches, j'en sais rien. La lecture. C'est ça que tu veux dire quand tu dis une carte blanche, parce qu'il faut lire. Une carte blanche, c'est... Des cartes blanches, c'est plutôt dans la presse, avec des points de vue et des, et un des textes militants, je pense que parfois on peut être aussi très fort touché par des capsules vidéo ou par de la photo. Et c'est un des sens qui est mobilisé, ou c'est une descente, comment dire, c'est quelque chose qui va émouvoir la personne. Et si par ce biais-là, à un moment donné, elle s'arrête et elle se dit « Ah oui, en fait, c'est vrai, je n'ai pas pensé à cette réalité-là », que ce soit dans ce cadre-ci ou bêtement quand j'ai fait les portraits. En fait, il y a plein de gens qui m'ont dit « Ah, c'est marrant, j'ai reconnu machin chouette. » Et en fait, j'avais oublié. Enfin, ça recrée du lien. Et si, moi, si ça peut, à un moment donné, créer une envie d'aller plus loin dans la rencontre ou dans l'information ou dans l'engagement, c'est gagné. Et voilà, après, j'aime aussi que la photo soit esthétiquement intéressante, qu'elle soit bien cadrée, qu'elle raconte quelque chose. Mais au-delà de ça, j'ai envie qu'elle bouleverse, qu'elle apporte une émotion et surtout qu'elle interroge, que les gens sortent de là et se disent « Ah ouais, c'est vrai ». Peut-être ce qu'une image par rapport à un texte, une image, c'est peut-être beaucoup plus libre, je dis n'importe quoi, hein, dans le sens qu'on peut encore regarder ce qu'on veut. On voit ce qu'on veut, tu vois, on peut interpréter de la manière qu'on a envie. Je ne sais pas si tu es d'accord avec ça. Si, mais je crois qu'un texte aussi, hein, ça dépend de... Il y a un point de vue dans un texte, tu vois. Vrai, c'est vrai, après, il y a toujours des interprétations. C'est ça, dans un texte, je trouve qu'on ne peut pas... Évidemment, après, les gens disent... La question, c'est de dire, comment tu as entendu le texte? Mais il y a un point de vue, il n'y en a pas 36 000 non plus, tu vois. Il faut savoir réinterpréter ce qu'a dit un autre. Tandis qu'une photo, regarde, qu'est-ce que... C'est... Tu vois ? Oui, c'est vrai. Oui, ouais, peut-être. On réfléchit ensemble. Hein. Oui, on réfléchit ensemble. J'ai l'impression que la photo, c'est plus libre. En tout cas, moi, ça me... En fait, comme je dis, c'est toujours... C'est mon arme à moi pour combattre les inégalités. Et chacun a sa sensibilité. Et si j'utilise ça, c'est parce que moi, je la maîtrise mieux aussi, je pense, que sans doute que du texte. Ah, bah oui. Non, l'un... Effectivement. Moi, ça me touche aussi, moi, plus que d'autres médiums, peut-être. Donc du coup, voilà, je... Et puis écrire, il faut déjà savoir écrire sans faute, parler convenablement français, enfin, tu vois. Ça va, les fautes, ça va, mais je sais pas, c'est une autre construction de pensée. C'est vraiment réfléchir autrement. Et comme on a tous des intelligences différentes, je crois que le côté comme ça... Et c'est très immédiat aussi, la photo. Ce que j'aime bien aussi, c'est que c'est un challenge, parce qu'il faut essayer de comment, je sais pas, c'est pas résumé, mais c'est de trouver. C'est comme, mais moi je suis très fan de la photo humaniste, des Cartier-Bresson, etc., Salgado. C'est de trouver comme ça en un quart de seconde ce qui va raconter toute une émotion, une histoire. Ils appelaient ça l'instant décisif. Ah, ça se passe comme ça, ouais. Un quart de seconde. Je veux dire, le temps, non, même pas, c'est un 400ème de seconde, c'est le temps de la prise de vue, quoi. Mais une photo, ça, c'est juste un instant, un micro-instant. Et mais donc, ce que je veux dire, une photo, ça peut être aussi une attente très longue avant d'arriver à, tu vois. Pour la faire, et même dans la photo, si la photo est prise de façon... Il y a moyen que dans une photo, on sente une pesanteur et quelque chose de long, en fait. Mais pourtant, la photo en soi, c'est un instantané. Okay, j'ai compris, ouais. Et donc, ce qu'on cherche à raconter, une histoire. Parfois, juste le regard, la façon dont la personne est, se pose et on comprend ce qui se passe. Hein, bon, après, il y a des photos qui marchent mieux que d'autres. Et c'est vrai qu'ici, l'audio permettait d'apporter encore un peu plus d'infos. Parce que parfois, c'était tellement unique et intense comme expérience. En fait, on n'a jamais vécu de confinement. Et du coup, quand il me racontait un tas de trucs, je me disais, mais en fait, je ne vais pas réussir à transmettre ça dans une photo. Dans les rayons du magasin, il ne va pas pouvoir me parler des pénuries de levure et du fait qu'il ait vendu des semences parce que tout le monde a fait des potagers. Tu vois, je ne sais pas raconter ça comme ça. Donc voilà, ça c'est lui qui raconte. Et comment il s'appelle lui ? Il s'appelle Fabrice. C'est le gérant d'un magasin bio ici, juste à côté, très sympa, que je connaissais déjà pour d'autres projets. Et alors lui, il raconte le côté annonce du confinement, son magasin rempli à craquer avec des fils, avec un peu la sensation de temps de guerre avec tout le monde qui vient faire ses courses x10, qui achète de la farine, de la levure, tout le monde qui était préparé, quoi. Il voyait ça comment? Il a été surpris, ça faisait peur, c'était bon pour son commerce, comment? Oui, je crois que c'est ce qu'il dit, hein, parce qu'on a aussi reproché ça. Oui, les magasins d'alimentation ont fait un super chiffre. Ils disaient, oui, c'est vrai, parce qu'on a vendu, on était tout le temps en rupture de stock. À côté de ça, ils ont eu d'autres frais, parce qu'ils devaient justement mettre un garde à l'entrée pour limiter les gens, du gel hydroalcoolique. Tout se réfléchit pas en termes de business non plus. Moi, c'est pas ça que je voulais dire, mais comment... Évidemment que si t'as un magasin d'alimentation et que si ça craint que tout est fermé, ben la base, c'est manger quand même. Oui, tu vois, voilà. Non, je pense que bon, après, c'est un magasin particulier pour ça. Moi, je l'aime beaucoup parce qu'on est cool, quoi. C'est vraiment zen. Et du coup, je crois qu'ils l'ont fait. Ils ont pu aussi garder un côté un peu cool aussi. Mais c'est voilà, il est. Qu'est-ce que tu veux dire, un côté, garder un côté cool, tu veux dire? Pas, je suis allée qu'une seule fois dans une grande surface ici, pas loin. C'est l'enfer, quoi. C'est, ben, plus c'est grand, plus c'est volumineux, avec plein de gens, plus c'est oppressant. Enfin, moi, je déteste faire mes courses là-bas. Dans les peut-être moins cher aussi, des choses comme ça. Pas oui, forcément. Ben, sans doute. Oui, sans doute. Mais après, c'est, la qualité aussi est différente. Hein. Ouais, ouais, ouais. Bon, après, c'est un autre débat. Non, mais c'est vrai, ça pose des questions, tout ça. La qualité, la quantité. L'origine. Ouais. Le local. Ouais. Ouais, ouais. C'est des questions que tout le monde n'a pas le temps de se poser, non, peut-être. Je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses. D'accord, c'est des soucis de nantis, hein, de pouvoir s'interroger sur tout ça. Je ne sais pas si c'est de nantis, hein, je ne sais pas ça, parce qu'on n'arrête pas. Non, je ne sais pas. Si est-ce que c'est plutôt éducatif, quoi, c'est-à-dire ouais. Qu'on t'apprend plutôt à bien manger plutôt qu'à d'acheter des conneries. Je ne sais pas. Ouais, si, il y a un mélange de tout, je pense, mais quand on voit dans. Enfin, moi, j'ai un souvenir comme ça de l'Asie où je me disais, mais enfin, ils jettent leur sac plastique comme ça en sortant. Et puis je me disais, mais oui, mais attends, mais moi, je peux me permettre de me poser ces questions-là et de m'interroger sur la pollution. Mais je ne suis pas du tout dans la même situation que des gens qui ne savent même pas ce qu'ils vont manger le lendemain, quoi. Donc je pense qu'il faut toujours. J'aime pas du tout juger les gens qui ne vont pas réfléchir comme ça par rapport à leur consommation parce que. Parfois, il y a quand même aussi une question d'accessibilité bêtement financière. Il ne vendrait pas mieux de manger bio avec des petits légumes. Mais tout le monde, hein, tout le monde aurait droit à manger convenablement, quoi, au fond, tu vois. C'est comme si, genre, t'es pauvre et t'as droit à bouffer de la merde, et toi, ça va, t'es riche, tu peux bien manger. Il y a quelque chose d'incohérent, non? Et puis, il y a ce qu'on mange, et sucré et gras. Il y a aussi du bio sucré et gras, hein, mais c'est la qualité, quoi, d'où ça vient. Et ça, c'est. Moi, j'avais vu un documentaire, je ne sais pas si tu l'as vu, sur Arte, qui parlait des obèses. Et souvent, je simplifie l'idée, mais on dit « Ah, t'es obèse, mais mange convenablement, enfin, quoi !» Et dans ce documentaire, c'était très bien expliqué comment la machine industrielle te rend accro au sucre, quoi, tu vois. C'est pas simplement les gens et leur volonté, c'est aussi toute cette bouffe de dégueulasse qu'on fait exprès pour rendre dépendants les gens, quoi, et les rendre gros et moches. C'est pas les quantités. C'est les packaging, ça me rend toujours dingue quand tu vois ce que t'as dedans. Et que, enfin, c'est, ouais, les paquets de quoi le packaging, tu vois, tout le travail, des quantités, où, au lieu de te donner plus petit. Moi, le nombre de fois que je jette parce que c'était trop, mais il n'y a pas plus petit. Et du coup, ça pousse aussi à consommer, à se dire, bon, bah, je vais tout manger, quoi. Ouais, au partage, hein. Ou tu peux refermer ton paquet et le manger dans. Mais pas pour l'instant, hein, attention. Hein. De quoi C'est pas une bonne idée pour l'instant. De quoi ça? Manger une partie de ton truc et puis après de la refiler à je sais pas qui. Pourquoi? Bah, par les mesures d'hygiène et tout oh, ça. Oh, mais laisse tomber, c'est fini tout ça. Ah bon. T'es très très optimiste en fait. Allez, ici c'est Alice et Sébastien. Ouais. Raconte-nous alors. C'est vraiment un micro ouvert. On mélange, comment dirais-je, la culture, l'outil culturel et. C'est pas ça un beau mot, l'outil culturel? Ouais, c'est bizarre. C'est bizarre d'avoir dit ça. Ouais, moi aussi, je m'étonne de moi-même. Là. c'est Chloé qui part à la rencontre, c'est mieux comme ça. Chloé qui part à la rencontre après confinement, juste le premier après confinement, ouais. À la rencontre des gens. Et donc ici, on se retrouve, qui les a photographiés. Ouais. Et donc, du et coup. Enregistrés. Et enregistrés aussi, ouais. Voilà. Donc, c'est Alice et Sébastien qui sont, donc, elle, chanteuse et lui, musicien. Qui, en fait, déjà avant le confinement, avant la pandémie, avant tout ça, donnait des concerts et des spectacles de contes, racontait des contes accompagnés de musique dans des maisons de repos. Ils faisaient déjà ça. Oh, c'est chouette, ça. Ouais, c'est top, vraiment. Et du coup, ils sont évidemment été bouleversés, comme un peu tout le monde, par le sort un peu des personnes âgées qui étaient... complètement reclus là dans les maisons de repos. Et la première expérience qu'ils ont faite, c'était de le chanter aux fenêtres. Donc ils sont venus se mettre avec un petit ampli en bas des maisons de repos et les personnes, les résidents étaient invités à ouvrir leurs fenêtres. Ils étaient invités à chanter en bas de leur fenêtre. C'est ça. Et donc, et c'est ce qu'ils racontent dans l'interview, du coup, le portrait sonore, c'est que c'était une expérience. Et ce qu'il dit, le plus beau jour de leur vie, quoi. C'était magnifique. Pourquoi ? Parce que l'émotion que c'était, c'était un truc de dingue. Et d'ailleurs, là. T'étais pas là, toi ? J'étais pas là ce jour-là, mais ils ont refait, du coup, un concert dans une maison de repos à Audergame, à la demande de la maison de repos. Et là, moi, j'étais en pleurs pendant tout le moment où j'ai assisté à ce concert. Mais non ! Vraiment. T'es chochote un peu. Ah, mais pas du tout. Je t'ai titi. Peut-être, je suis peut-être un peu confuse. Non, mais vraiment, c'était. Mais qu'est-ce que tu trouvais ? Mais, je sais pas, il y avait déjà le répertoire, des Aznavour, des Edith Piaf et tout. Moi, j'avais envie de chanter avec eux. Et puis, voir toutes ces personnes, enfin, on se projette aussi, on se dit, mais c'est vrai, quoi, c'est quand même. Un peu triste, moi je suis là, à force de l'âge, en train de faire mes petits podcasts, mes photos. Et puis tout d'un coup, parce que la société le décide comme ça, en tout cas dans nos cultures, ils sont un peu mis un peu de côté dans une maison et on leur chante des petites chansons. Là, enfin, je dirais que. Et il y avait vraiment. Mais développe un peu, parce que je ne comprends pas ce que tu veux dire. J'ai trouvé que c'était très triste. Moi je suis allée quelques années voir mes grands-parents en maison de repos, mais je trouve qu'il y a vraiment, et c'est ce que la pandémie et donc le confinement a encore relevé, hein, c'est ce fonctionnement comme ça, dès que nos aînés sont plus capables de s'occuper d'eux-mêmes, on les accueille évidemment pas chez nous, parce qu'on est dans notre vie active. Voilà, c'est énorme ça, quand même. Et on va les mettre dans des maisons de repos où on sait que c'est pas toujours vraiment génial. Et on se complète tous et on sait tous que c'est pas terrible. Et quand on va leur rendre visite, on est tous un peu mal, quoi, en se disant. Et alors, si on veut quelque chose d'un peu moins pourri, c'est ultra cher, voilà. Et du coup, bon, là, c'était très mignon parce qu'eux, on voit qu'ils avaient l'habitude de travailler, de donner les chants. Le chanteur et la musique. Exact. Et la musicienne. Ils étaient vraiment. c'est ça, le musicien et la chanteuse. Et ils étaient géniaux parce qu'ils avaient vraiment. Ils avaient le truc, quoi, avec les personnes âgées. Et je pense qu'en plus, en sortant de ce confinement où on n'avait plus de relations sociales, on était tous un peu chez nous comme ça, le fait de partager ça, d'avoir les personnes chantaient avec eux, enfin, c'était hyper émouvant, quoi. Et ça t'a marqué, du coup, alors ? Ouais, très fort, vraiment. Et puis eux, après, de parler avec eux, qui disaient aussi qu'en fait, c'était mais tellement dingue comme expérience qu'ils n'avaient jamais vécu ça. Et qu'ils étaient persuadés, c'est ce qu'elle dit, c'est très beau qu'elle dit que avant, tout le monde chantait, on partageait aussi des choses par le chant, que tout le monde, en fait tout le monde chante juste, on dit toujours. Avant, c'est-à-dire il n'y a pas si longtemps, je ne sais pas, il y a peut-être. Avant le confinement, dans l'ancien temps, genre. Ah, c'est ça, autrefois. Non, avant, il y a longtemps. Pas avant le confinement, parce que même il y a un an, personne ne chante en famille et on n'accueille pas nos aînés chez nous quand ils sont trop âgés pour se débrouiller seuls. D'accord. Alors je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire, hein, mais c'est vrai que. Mais si, c'est ce qu'il faut faire. Mais je comprends le. Mais tout le monde comprend. C'est compliqué, oui. Tout le monde comprend. Après, il faut le faire. Après, non, mais après, il y a des valeurs à défendre. Évidemment. Regarde cette photo. C'est ça a quelque chose, je trouve. Tu vois les vieux en vitrine, quoi. Tu vois, c'est comme ça que je le vois aussi. Ouais, c'est vrai. Les vieux en vitrine, quoi. Ouais. Tout à fait, c'est vrai. Non, c'était très beau. Et de nouveau, très interpellant. Et ouais, il y a vraiment des choses à retenir de tout ça. Espérons que ça dure, parce qu'il y a eu tout plein d'élan, de prise de conscience après. Bah là, on a déjà repris le move comme avant, là. Ouais, je pense qu'il y a sans doute eu des initiatives ou en tout cas des projets qui étaient là et qui ont été soutenus, sans doute. Après confinement Pendant et juste après. Et je pense quand même à. Quel genre d'initiative ? Tout ce qui est des logements intergénérationnels, ça existe. Et je pense que ça a été mis en valeur en disant, en fait, on a des solutions. Il y a déjà des gens qui proposent ça. Sauf qu'on ne s'informe pas. Peut-être que ça va être plus soutenu aussi, je veux dire financièrement. Donc je pense quand même qu'il y a des choses qui vont rester. Après, ça ne va pas être radical, hein, le changement, mais on n'est pas habitué à des changements radicaux, n'est-ce pas ? Quand on voit ce que ça nous a fait, ce petit virus. On a tous été un peu choqués quand même. Ouais. Bah oui. Bah ouais. Surtout au début. Ouais. C'était dingue quand même. Ouais. Arrête. Complet. Comment, enfin moi je peux te dire comme ça en partage, mais moi je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe, hein? Tout le monde s'est dit, qu'est-ce qui se passe? Ouais, Et l'information, tu l'avais par un média. C'était bizarre, ça aussi. C'est très bizarre, mais moi, je travaillais dans... Donc, tu étais obligée de croire le média. Alors qu'à la base, moi, je suis déjà très critique par rapport aux médias. Oui, oui. Mais tu vois, c'est ça qui était compliqué. Exact. Et surtout, je pense que c'était pas concret. Par rapport à la deuxième vague, et pas une deuxième vague, là, en octobre, novembre, en tout cas, à Bruxelles, dans mon cercle de proches, je connaissais personne. Personne qui connaissait personne. Et donc, c'est vrai que c'était un peu bizarre. Personne qui connaissait personne. Qui était malade. Qui était malade. Donc, ça avait l'air un peu... Exactement. Un peu, ouais, effectivement, il fallait faire confiance. Alors qu'en octobre, novembre, l'étau s'est resserré quand même. Non, mais là on voilà. Y voyait plus clair. Concret. Mais ça restait quand même très confus. Hein. Oui, oui, oui. Non, confus, oui, mais plus concret. Ben oui, parce qu'on comprenait un petit peu qu'est-ce qui se passait, mais ça restait quand même confus. Hein. Oui, c'est ça, c'était plus que des images à la télé qu'on nous montrait. Je les regarde pas, moi. Non, moi, j'ai pas la télé non plus, mais bon. Mais alors, tu regardais par le réseau, des choses comme ça? Non, pas réseau, mais du coup, de temps en temps, on fait un petit update sur Arte ou autre. J'ai de plus en plus de mal à regarder les JT. Je suis attachée de presse, mais je sais pas regarder la presse. Comment t'as dit un update? Update. Mise à jour, pardon. Ok, voilà, excuse-moi, mais moi, mon anglais, c'est très, très naze. Non, parfois, il faut quand même un tout petit peu s'informer. Et parfois, vraiment, vraiment. Oui, mais comment tu fais? Où tu vas pour t'informer? Par écrit. Le courrier international. Ça, j'aime bien parce que c'est par écrit, donc il y a quand même un truc qui est déjà phagocyté. Il n'y a pas des images gratuites de la vidéo un peu choquante. Et généralement, c'est de l'analyse, déjà. C'est pas de l'actu fraîche, parce que c'est hebdomadaire. Et en plus, c'est le best-of de toute la presse... Le courrier international. Ouais, courrier international. Ils ont une édition Belgique. Je fais de la promo, là. Oui, mais je crois que je l'ai déjà regardé, mais ces gens, ils prennent l'actu un petit peu partout dans le monde. Ah ouais, non, j'aime pas. T'aimes pas ça? Non, j'aime pas. Non, mais c'est très... c'est pas du tout, enfin... Mais donc, comment tu t'informes pour ton pays en Belgique? Comment ça se passe? Il y a le courrier international Belgique avec une rubrique que Belgique. Ah, voilà, ouais. Voilà. Ah, peut-être que ça n'existait pas quand t'as regardé, mais... Ouais, peut-être. Enfin, oui. Toi, tu t'informes comme ça, du coup, oui, alors. Ça, c'est notre abonnement. Et puis, ouais, Arte, j'aime encore bien leur JT, parce que généralement, ils nous parlent pas que des trucs tout près, complètement insignifiants. Si c'est plus important et que c'est plus loin, ils le traitent en premier. Bah, c'est dans les écoles de journalisme, on apprend ça, hein, l'intérêt d'un sujet qui est inversement proportionnel à la distance... C'est un truc de dingue en Inde, on va en parler moins vite qu'un chien écrasé dans sa rue, quoi. Moi, ça me rend dingue, ça. Mais bon, voilà. Ouais, mais c'est pour le confinement, toi, tu t'arrivais à comprendre ce qui se passait avec les médias, t'arrivais à croire ce qui se disait. Est-ce que c'était simple? Peut-être juste ça. Hein, ouais, ouais. Si moi, je pose une question qui c'est compliqué, tu me remballes, hein. C'était pas simple, hein. On peut conclure quand même que c'était pas simple, non, tout non, ça. Non, c'était confus, c'est confus, et ça l'est toujours. Hein. Moi, le couvre-feu qui est différent d'une région à l'autre, ça me fait marrer, quoi. Je comprends pas comment est-ce qu'ils gardent une crédibilité à avoir un truc aussi confus au niveau de la gestion. Mais par contre, l'information, je sais pas, moi je suis pas sur les. En tout cas, je suis pas sur Facebook parce que j'ai vraiment du mal avec ce réseau-là. Pourquoi? Je trouve que c'est vraiment. Les quelques fois où j'y vais pour une raison XY, je trouve qu'il y a une violence dans les interactions entre les gens, et une gratuité de la méchanceté et de l'ignorance en fait totale, que bon, il y a un peu sur tous les réseaux, mais je sais pas. Je suis pas très, ça me réjouit pas à chaque fois que j'y vais, ouais, et puis l'information, oui, je sais pas, mais je crois que je n'ai pas non plus trop souffert, parce que comme on était en mode famille, ça m'a pas... Je me suis dit, ok, ben voilà, on est en famille, on vit ça le mieux possible. Voilà, on réorganise le truc. J'avais déjà assez de trucs à gérer entre le boulot, les enfants. C'était chouette aussi de se retrouver ensemble, non? C'est des grands enfants ou... 5 et 8. Oh, bah, c'est vraiment un chouette âge. Hein. Un chouette âge. On a encore les rois. Ils nous écoutent encore. Mais bon, c'est fatigant aussi, quoi, parce qu'il y avait l'école à suivre. Donc, mais voilà, on a de la chance. On est bien logés, du coup. On avait de la place et... Non, vraiment, je suis pas du tout à plaindre. Et au niveau de l'info, je sais pas, je me suis pas sentie mal parce que j'arrivais pas à trouver l'information. Je crois que petit à petit, on prenait tout avec des pincettes, quoi. Ouais. Ouais. Là, on voit Alice ouais. Avec le micro qui chante avec sa robe à pois blanc. Ouais, c'est ça. en plein élan. Je ne sais pas ce qu'elle chantait à ce moment-là, mais elle fait tout à 300%. C'était vraiment très beau. Il faisait beau en plus. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a ? Ah, ici alors ! Ouais, ah oui. On parlait de Yves. C'était chouette ça. C'est ici Yves. Ouais, Yves, c'est le responsable du cimetière de Dorgem. C'est un super type que j'avais déjà rencontré aussi. Et qui, alors lui, rend accessible une des professions qui est quand même les plus. Je sais pas, qui fait le plus peur, quoi. Sans doute, être. Travailler avec les morts, c'est quand même un peu flippant, quoi. Ah bon, bon. Non. Ouais, ça te fait flipper, toi? Non, mais on se demande, c'est vrai, on se dit, waouh, ça doit quand même pas être super fun, quoi. Et en fait, il est tellement sympathique et tellement simple et direct que, et il adore ce qu'il fait, en fait. Dans, de nouveau, dans son portrait sonore, c'est super humain. Il explique un peu qu'il y a des règles qui étaient parfois absurdes et que... Comme quoi, par exemple? Bah, il y avait la limitation des gens qui pouvaient assister. Ah oui, oui, toujours dans cette histoire de confinement. Hein. Oui, oui, voilà, ça, le fait que, par exemple, on ne puisse pas rentrer avec un chien dans un cimetière. Alors, il disait, oui, mais quand il y a une petite dame qui a perdu son mari et qui vit avec ses deux chiens et que c'est toute sa vie et que je lui dis, vous ne pouvez pas venir vous recueillir parce que vous... Et il me dit, bah, je ferme les yeux. Hein. C'est pas bien, mais je ferme les yeux. Chouette, ça, ouais, c'est chouette. Un chouette gars, vraiment. Et du coup, qui parle aussi, bah, forcément, de l'afflux. Il y a eu un rythme quand même assez effréné pendant une partie du confinement. Et ils l'ont ressenti aussi, eux. Donc... C'était un peu chaud, ah ouais. Mais ouais. Ils l'ont ressenti dans quel sens? Je crois qu'il dit que le maximum qu'ils ont fait, c'est 5 services un jour, quoi. Donc 5 enterrements sur une journée, sur une matinée, c'est pas du tout l'habitude. Et donc il y a aussi tout simplement le côté pratico-pratique de stocker les corps avant d'être enterré. Et donc, ouais, c'est quand même... C'est toute une organisation, c'est ça, quoi. Ouais, on se rend pas compte, parce qu'il me dit, mais moi, j'ai X places, et là, j'en avais le double ou le triple, il fallait... Donc, ils ont construit des sortes d'armoires pour pouvoir stocker le corps, quoi. Donc, c'est quand même pas super drôle. Cool. Mais en même temps, voilà, c'est la vie, quoi. C'est la vie, c'est la mort. Et il le fait avec tellement d'humanisme et tellement de respect, je dirais, de l'humain avant peut-être les règles. Que c'était très beau. Et il parle aussi de pourquoi il a choisi ce métier et tout le monde lui demande toujours « Ah, mais pourquoi vous avez choisi ?» Enfin, voilà. Il y a de nouveau toujours un peu... Qu'est-ce qu'il dit ? Là, il explique que lui, il aime bien son métier. Qu'il dit « On croit que c'est les morts, mais quand j'arrive le matin et qu'il y a plein de renards que je dois chasser, il y a de la vie, en fait. Hein. » Donc, non, c'est ce que j'aimais bien dans les portraits, c'est que c'était un prétexte aussi pour eux de parler au départ de l'expérience du confinement dans leur métier. Mais souvent... En fonction de leur personnalité, ils commençaient à parler de la raison d'être de leur métier, de pourquoi ils le faisaient, de est-ce que ça servait à quelque chose. C'était vraiment une introspection. Et donc, c'est ça aussi que j'aime beaucoup dans ce format-là, c'est qu'il y avait beaucoup de confidences. Le micro, ça permet encore plus de distance qu'avec l'appareil photo. Et au bout de quelques minutes, ils oubliaient que je les interviewais, en fait. C'était une discussion. Tu as dit qu'avec le micro, il y avait plus de distance qu'avec l'appareil photo ? Non, moins. Moins ? Moins. En fait, moi, en tant que photographe, c'est ce que je cherche aussi, c'est qu'on oublie un peu que je suis en train de faire des photos. Au bout d'un moment, il faut qu'il... Et pourquoi ? Tu crois que c'est la vérité, du coup, alors ? Ça te fait croire que... Les gens sont plus sincères, quoi. La sincérité. Ouais. Bah oui. Qu'est-ce que c'est ? Ah oui, évidemment, hein, grand, grand débat. Mais si, je pense que quand on voit, par exemple, les gens... si on fait des portraits... On va voir les 10 portraits où ils sont un petit peu stressés, à quoi je ressemble et tout. Puis à un moment donné, ils vont un peu s'abandonner en disant « Bon, ouais, en fait, je vais être ce que je suis. » Et c'est là que c'est intéressant. Quand tout d'un coup, ils lâchent un peu cette garde. Ils se laissent vraiment... ils font confiance. J'ai pas bien compris ou j'ai oublié. Comment est-ce que ça se fait que c'est un responsable de cimetière ? Comment ça se fait que c'est un boulanger ? Comment ça se fait que c'est un chanteur, une musicienne ? Comment tu les choisis ? Alors en fait, au départ, je me suis dit qu'il fallait que je trouve que je circonscrive un peu mes portraits, parce que si je commence à partir dans tous les sens, tout le monde pouvait témoigner du confinement. Et donc, je me suis dit que j'allais d'abord aller dans les commerces. Et des commerces, j'ai un peu, entre guillemets, élargi jusqu'au service à la personne. C'était tous les services dans lesquels on va ou qu'on utilise et qui ont été bouleversés. Et c'est ce que je voulais, c'était vraiment les métiers, en fait, finalement. C'est des métiers, mais qui sont au service de la communauté. Et que ce soit pour faire le pain, enterrer les morts, nettoyer le chien, c'est tout des gens qui travaillent pour... Et quoi, quand tu as regardé Yves, tu as regardé dans l'annuaire ? Non, je le connaissais, Yves, j'avais déjà fait un portrait de lui. Et puis je me suis dit, bah, dans le contexte sanitaire quand même, bah, y avait des morts quoi, avec cette crise. Je me suis dit, c'est intéressant d'avoir cet aspect-là, de comment ça s'est passé. Tout ce qui était alimentation, donc boulanger, etc., c'était aussi tout ce côté-là. La musique avec les personnes, âgées, voilà, c'est ça. Avec les vieux, quoi, ça J'ai va. J'ai aussi une directrice, la co-directrice du Théâtre de la Parole, qui est le petit théâtre, qui est dans le Rouge Cloître, qui est, voilà, juste à la bordure, hein, en forêt de Soignes. Et donc, avec tout l'aspect culture, quoi. Tout le fait qu'ils ont aussi cru qu'ils allaient juste reporter un peu la saison et les artistes en fin de saison. Puis après, ils se sont rendus compte qu'en fait, non. Et comme c'est un théâtre de contes, et Théâtre de la Parole, c'est assez intéressant parce que c'est une des disciplines au niveau théâtre où ils peuvent s'adapter à des petits publics, le faire à l'extérieur. Et donc ça, c'est intéressant. Elle explique vraiment bien ça, qu'en fait, ils se sont rendus compte de la richesse et de l'avantage qu'ils avaient sur d'autres grandes salles où il fallait tout de suite mettre en place toute une série de mesures hyper... hyper cher et hyper complexe à mettre, alors qu'eux se sont dit, bon ben nous on va faire des goûters dehors. Donc ils ont vite rebondi quand même. Ah ça, Chloé, à chaque fois il y a moyen d'écouter ce qui se dit, mais oui, il faut du coup venir scanner, mais comment on fait sinon pour retrouver... Sinon, tout est sur mon site. Ah ben voilà, on mettra les références. Il y a tous les portraits. En fait, j'en ai fait au départ des sortes de podcast photos. Je ne savais pas comment appeler ça. Donc, c'est les photos s'enchaînent avec l'audio, sorte de diaporama. Okay, ouais. Et ici, comme l'idée, c'était que les gens voient une exposition photo, je ne voulais pas qu'ils regardent leur écran, quoi. Donc, j'en ai extrait les MP3 pour qu'ils puissent avoir que l'audio. Ce que j'aime bien aussi, qu'on pourrait préciser pour les personnes qui voudraient venir voir l'expo, c'est que c'est placé vraiment dans la rue, sur la place, dans le trottoir, sur le trottoir. Et j'aimais bien cette idée-là aussi, j'avais déjà fait ça pour d'autres expos. C'est au lieu d'exposer ça dans un lieu dédié ou d'attendre que les gens viennent réserver leur bazar, nanana, ici c'est dans la rue. Quoi, c'est toi qui as eu l'idée ou bien c'est la commune qui a proposé ça ? Non, c'est, je tiens toujours à faire les expos sur bâche dehors. J'aime bien exposer dehors. C'est très chouette. Ouais. Ouais, parce que là, du coup, on renverse en fait les codes. C'est l'expo qui vient aux gens. Et comme je dis souvent, si en plus ça vient à la rencontre d'un public qui ne va jamais voir d'expo, alors là, je suis encore plus contente, quoi. D'inverser vraiment ce rapport. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne vont jamais voir d'expo, qui ont l'impression que ce n'est pas pour eux l'art et la culture. Alors qu'en fait, ça parle des gens, d'eux aussi. Et du coup, là, en attendant de traverser, on peut regarder une petite expo photo. Et si les gens passent une fois, deux fois, cinq fois, peut-être que la dixième fois, ils vont se dire « Ah, mais en fait, je vais regarder ». Ça reste assez longtemps. Et, jusque quand ? Là, c'est jusqu'au 30 avril. Et après, elle va voyager. Où ça a dit ? Oh, je sais, il y a pas mal de petites pistes, mais je ne sais pas encore exactement. Mais c'est ça l'intérêt de la bâche aussi, c'est que c'est... On peut mettre ça dehors, il pleut, il vente, il neige, ça résiste. Et j'aime bien le fait que ça occupe l'espace public et qu'on se réapproprie aussi ça, qu'on s'assoit sur le banc, qu'on discute. Ah tiens, t'as vu la toiletteuse pour chien ? Parce qu'on ne s'arrête plus en fait dans la rue. On fait juste que passer entre deux activités de A à B sur les places. De nouveau, autrefois, c'était des endroits où on échangeait, on discutait, on pouvait parler justement, qu'est-ce que t'en penses ? Là, les gens, ils sont tous sur Facebook en train de dire, bah, c'est nul. Moi, je préférerais qu'ils le disent en vrai, quoi. T'aimerais bien revenir au temps d'autrefois ? Je sais pas, ouais, il y a des fois où j'aimerais bien, ça serait un de mes super pouvoirs, de pouvoir me propulser dans des époques. Alors, il y a plein d'autres trucs qui me plairaient pas, hein, ça c'est sûr. Mais... Comme quoi ? Oh, j'en sais rien, la qualité de vie en général, là, ça devait être dur, quoi. Le travail était dur, les conditions physiques, elles devaient être beaucoup plus difficiles, la communication était beaucoup moins facile avec les gens loin, quoi. Est-ce que c'est pas... est-ce que c'est pas aussi nous faire croire que, à cette idée que aujourd'hui, la modernité, le futur, c'est toujours mieux qu'avant. Avant, c'était... C'était, on vivait dur, c'était compliqué. Est-ce que tu vois un petit peu ce que je veux dire? Genre, l'idéologie du progrès, en fait. Parce que c'est ça, aujourd'hui, on est dans une société hyper moderne. Quand je dis que c'était dur, c'est que les conditions étaient, je veux dire, les maisons étaient moins bien isolées, on était moins bien équipés. La condition de la femme, n'en parlons pas. Enfin, je veux dire, ça, je n'en vis pas du tout à ces époques-là. Aujourd'hui, te balader, te faire une expo photo en rue... Mais attends, avant c'était peut-être beaucoup plus plus facile de faire une expo librement. Tu ne devais même pas demander l'autorisation. Je veux dire, ça m'intéresse justement de comprendre qu'est-ce qui se joue entre l'aujourd'hui, le futur, là qu'on nous promet encore meilleur. Et ça tombe, tu vas plus mourir. Hein. C'est emballant, hein? Oh non, quelle horreur! Le transhumanisme, là, t'as déjà entendu? Non. C'est ce qu'on nous promet, quoi, qu'on va pouvoir vivre beaucoup plus longtemps, parce qu'on peut aussi en parler, ça, de cette histoire de confinement, c'est aussi la peur de mourir, quoi. Est-ce que t'as eu peur de mourir, toi? Je me souviens qu'au tout début, je me suis demandé si nous, on était mes enfants. En fait, j'ai pensé à mes enfants, de me dire, en fait, est-ce que ce truc... est-ce qu'on risque vraiment quelque chose? Et puis après, j'ai vite compris que... A priori, on était, nous, quand même en bonne santé, qu'on était jeunes et qu'a priori, on était moins nous. Mais c'est vrai que c'est très vite passé, ça. Après, c'était plutôt la lourdeur de cette liberté, de cette insouciance. J'ai aussi pensé de nouveau à mes enfants dans le sens, mais est-ce qu'ils vont vivre cette époque que j'ai, moi, vécue, où on allait jouer dans la rue, on allait... les mouvements de jeunesse, le truc où on ne réfléchissait pas à ça. Parfois, quand je vois des images maintenant... De gens tous ensemble à une table, parfois je pense en disant mais ils sont fous quoi. Non, j'ai pas compris. Assis autour d'une table sans masque aujourd'hui. Oui, et je me dis mais c'est pas possible, comment est-ce que j'ai déjà intégré le fait que c'était pas une bonne idée quoi. Et ça me rend dingue. J'avoue le côté insouciant mais tout s'accélère. Là on parle de crise sanitaire, mais la crise écologique, c'est pas rigolo non plus. Hein. T'as quel âge, toi, Chloé ? J'ai 36 ans. Ah ouais. Ça va, quoi, t'es pas encore... T'es entre les deux, quoi. Entre deux, quoi ? T'es plus toute jeune, mais t'es pas encore vieille, quoi. Non, ça, je suis plus toute jeune, non, je suis tout à fait entre les deux, ouais, c'est ça. J'ai encore l'impression que j'ai de la vie devant moi, mais en fait, pas tant que ça. Si, quand même, hein. Oui, puisque je vais vivre jusqu'à 150 ans. Oui, là. Mais est-ce que t'as pas l'impression aussi que notre génération... parce qu'on a un peu, enfin moi j'ai quand même 10 ans en plus, on n'est pas complètement de la même génération, mais un petit peu quand même, qui a eu aussi le fait de vieillir, le fait, à un moment donné, t'es plus jeune quoi, c'est comme ça, ça fait partie du truc, est-ce que tu le vis bien ? Moi j'adore, maintenant j'aimerais bien rester bloquée entre 35 et 40, je trouve ça cool. Ah ouais, pourquoi ? Je sais pas, j'aime bien, parce que j'ai avancé, j'ai fait des expériences et que ce que j'ai fait avant, ça sert à quelque chose là. T'as plus confiance en toi ? Oui, sans doute. Et puis j'ai accompli des choses dont je suis fière aussi, que ce soit mes enfants ou le travail ou les projets comme ça photo. Et en même temps, j'ai l'impression que je peux encore faire plein de choses et encore changer. Et encore, donc c'est assez agréable en fait. Je sais pas, il y a aussi quand on est vraiment jeune, on doute beaucoup. Je doute peut-être un peu moins, mais j'ai l'impression que tout n'est pas terminé, quoi. Tout n'est pas terminé pour toi, quoi. C'est ça que tu veux dire. Ouais, tu vois, même au niveau professionnel, il y a encore, j'ai encore le temps, quoi. Je pourrais encore complètement changer d'orientation et recommencer quelque chose. Ce serait pas dingue. Mais j'ai pas l'intention de le faire, vraiment. En tout cas, de l'adapter. Oui, c'est vrai qu'à peut-être à 36 ans, tu te sens pas vieillir encore. C'est pas encore... C'est pas encore là, vraiment. Je vois que t'as quelques petits cheveux grands. À moi, plein. T'as quand même des petits signes qui viennent, quoi, à toi. Oui, bien sûr. Pas dans la tête, mais là, ça va. Je suis encore en pleine forme. On parle de Salvo ? Ouais. Qui est garagiste ? Salvo, il est garagiste, ouais. Ah, ça me faisait aussi... Pourquoi lui, garagiste ? C'est quand même pas celui... T'as une voiture ? Ouais, j'ai une voiture. Rien à voir. Mais c'est le garage où je vais. Il est vraiment juste à côté. Non. Ouais, si, j'aimais bien le côté. De nouveau, ça c'est vraiment parce que je rentre jamais dans le garage pour aller regarder comment ils font. Du coup, je trouvais ça drôle de pouvoir rentrer, d'aller voir le pont et tout. Mais c'était super intéressant, c'est que lui raconte qu'en fait, il vit à Binche, le gars. Donc, il fait la route. Mais non. Oui. Tous les jours ? Bah oui, j'imagine. Ah, tu lui as pas posé la question parce que ça tombe, il travaille... Non. Et il expliquait qu'en fait, c'est ce qu'il explique dans son portrait sonore de nouveau, c'est que il s'est un peu inquiété d'être au chômage économique, mais qu'il s'est rendu compte qu'avec ses frais de transport en moins, de déplacement, bah en fait, il gagnait quasiment la même chose. Sauf que comme ça, il pouvait continuer à bosser dans sa maison. Et là, tu te dis, mais ça, moi aussi, ça me rend... Enfin, ça m'interroge, quoi, sur les gens qui font des navettes comme ça. Pour avoir un travail. C'est dur, hein, ouais. Et voilà, sans doute qu'Abin, il n'a pas autant de travail et qu'il n'a pas trouvé comme carrossier plus près de chez lui. Ouais. Alors, tu lui as pas posé la question ? Ça, non. Enfin, si, mais il y a plein de off aussi, hein. J'ai pas tout mis, mais c'est vrai que j'ai pas demandé s'il voulait se rapprocher de chez lui. Mais c'est là quand même la, bon. C'est quand même une question importante, non ? Oui, en même temps, pour vivre plus facilement aussi, pour vivre plus, tu vois, moins stressé. Ouais, je sais pas, moi j'ai toujours peur de demander aux gens un truc qui me semble évident pour moi, parce que moi pour moi, ce qui est important, c'est que tout soit accessible rapidement, que je puisse le faire à pied, à vélo, mais c'est peut-être pas le cas de tout le monde, quoi. Justement, c'est intéressant de poser la question pour avoir un autre son de cloche, pour voir quelles sont ses idées, pourquoi il vit comme ça, en fait, hein. Ouais. C'est vrai, mais en même temps, je sais pas, je te regarde. Oui, j'entends bien que t'as peur. Un doigt sur un truc qui lui plaît pas. quand tu interviews les gens, tu veux pas trop. Moi, justement, quand j'interview les gens, j'ai l'impression que mon cerveau il est allumé avec un troisième bouton pour essayer d'être le plus vive possible pour qu'on puisse bien comprendre de quoi il s'agit. Tu vois ce que je veux dire ? Parce qu'après, une fois que le micro sera débranché, on sera dans autre chose, quoi. Mais c'est plutôt... Alors, c'était peut-être pas encore... C'est peut-être maladroit, là. Et c'est en fait, tout début. Moi, j'ai l'audio. C'est pas du tout mon média, au départ. Mais j'ai toujours l'impression que quand je pose des questions... Et en fait, c'est toujours le cas, mais de le faire le moins possible, c'est de donner une impression personnelle ou de jugement. Parce que moi, j'ai mon point de vue sur sa façon de faire, par exemple... De se déplacer ou de déjà travailler dans une carrosserie. J'ai une voiture, mais vraiment, mais à mon grand malheur, j'arrête pas de militer pour qu'on arrête cette voiture après avec des petits, c'est plus facile. Mais du coup, quand je pose des questions aux gens, j'essaie toujours que ce soit le plus. Enfin, que ça leur laisse le plus de liberté et qu'ils se sentent pas jugés, quoi. Que ça les dérange pas, la question, en fait. Ouais. Non, c'est peut-être pas encore la même chose. C'est encore différent, je pense, parce que. Aller titiller et poser la question un peu et tchac, trouver le bon endroit, ça c'est intéressant. Mais j'ai l'impression que quand on parle comme ça de choix, de vie, je pourrais peut-être lui dire genre mais quoi T'es pas obligé de faire mais quoi Tu peux aussi simplement dire... Non, c'est vrai. Mais je suis tellement entière que peut-être que quand je le dis... Par curiosité intellectuelle. Oui, tout à fait. Mais j'aurais trouvé une formulation pour ne pas avoir l'air de le dire ce que je pense. Et de lui laisser l'occasion de dire le contraire de ce que je pense sans qu'il se sente mal à l'aise. Tu vois ce que je veux dire ? En tout cas, ce que je comprends ce que tu dis, c'est que tu n'as pas envie de mettre mal à l'aise ou qu'il se sente jugé par toi. Voilà, mais je veux dire, si tu ne juges pas déjà à la base, il te sentira pas jugé. Enfin... Ouais, mais parfois, t'as pas l'impression que parfois, toi, tu le dis vraiment avec beaucoup de bienveillance, mais qu'en fait, ça peut quand même être senti comme un jugement. Non, parce que... Oui, d'accord, j'entends ce que tu dis, mais l'autre, tu connais cette expression de dire il n'y a pas pire sourd que celui qui ne veut pas entendre. Il n'y a pas... Je veux dire, à un moment donné, tu peux le dire avec la meilleure volonté du monde. Si l'autre, il a déjà un souci avec ça, tu vois, donc autant être simple et positif, tu vois. Enfin, voilà, moi, c'est mon... Tu peux poser trop de questions, quoi. Oui, surtout... Quand on est dans la démarche de la rencontre, quoi. Voilà, on discute, on n'a pas les mêmes idées. Ah tiens, moi je ferais comme ci, ah, toi tu fais comme ça. Bon, ouais. Et c'est là que ça devient intéressant parce que sinon on est trop. J'entendais comme ça récemment une interview un peu de quelqu'un pour parler de la politique. Il disait qu'aujourd'hui il n'y avait plus de politique, il n'y avait plus de débat. On est là chacun, on n'ose pas trop dire, de peur de brusquer justement, de peur. Tu vois, il n'y a plus vraiment de débat, c'est pagaie, quoi, tu vois, avec toutes nos peurs. Moi, j'aime bien quand il y a du débat, je veux dire, ça ne veut pas dire que je te critique, toi, perso, ou toi, tu vas me critiquer, moi, personnellement. On discute d'idées, quoi, tu vois. Ouais. Si tu peux entendre ce que l'autre a à dire, alors... Voilà. C'est gagné, hein. Tout à fait, c'est le but, en fait. Même si je ne pense pas comme toi, hein. Quoi C'est ça, hein, c'est ça, quoi. C'est ça. Et donc, ça le vaut. Qu'est-ce qui... Oui, voilà. Ben voilà, c'est ça. faut aller l'écouter. Comme ça, vous aurez encore plus d'infos. Et on boucle sur quoi, alors? C'est la fin. On c'est finit. Fin ben, des mots à toi, on boucle sur quoi? Qu'est-ce que tu as envie de dire sur tout ça, en fait? J'ai envie de dire que ça m'a vraiment, vraiment beaucoup plu de rencontrer les gens. Que je savais que ça me plaisait de rencontrer les gens et de poser des questions, mais que là, l'audio, ça a vraiment apporté un autre... comme ça avait ouvert une nouvelle porte dans ce travail de rencontre des gens et que je vais continuer à le faire parce que ça me plaît beaucoup et que j'espère que pour les personnes qui vont écouter, venir voir l'expo ou voir en ligne, ils auront autant de plaisir que moi j'ai eu à le faire et que s'il y a un des portraits qui les interpelle et qui les touche, bah, ce sera gagné. Et donc on pourrait terminer par de nouveau cette même question que je t'ai posée au début. C'est quand même un travail avec les gens, quoi, proche des gens. Là, c'est spécialement des gens qui travaillent, en fait. Hein, mais quoi, t'aimes bien les gens, c'est ça que je te dis aussi. Ouais, j'aime bien les gens. Et pourquoi t'aimes bien les gens? J'aime bien comprendre les gens. J'aime bien leur poser des questions. Et comprendre comment ils pensent. Et pourquoi ça? Je sais pas. Peut-être que je me comprends mieux moi-même, j'en sais rien. Ça aussi, c'était une question de se dire, tiens, les gens ont pris beaucoup. Je crois que ça leur a fait du bien de me parler, de pouvoir déposer tout ce qu'ils avaient ressenti. Mais du coup, moi, je les ai écoutés, mais j'ai pu aussi. C'est pas forcément dans les portraits sonores, parce que c'était l'idée de parler d'eux. Mais moi, je leur ai aussi dit comment je l'avais ressenti, etc. Donc, en fait, on fait tous notre petite thérapie à notre façon. Oui, en fait, oui, c'est une thérapie, mais c'est la base première d'être en relation les uns avec les autres, en fait. Hein. Ça s'appelle les relations humaines, quoi. C'est l'humain, en fait. Hein. Et c'est ça qu'on nous a enlevé avec ce confinement. Et qu'on... Bah, c'est comme toujours, hein, quand on nous enlève quelque chose, on se rend compte de la valeur que ça a. J'espère que ça va redevenir comme avant, moi. En mieux. En mieux, oh, t'es vachement positive, encore plus que moi, toi. Merci, hein, Chloé. Merci, Graziella.